vue d'une mise à jour de son fichier client, la régie des eaux a entrepris en collaboration avec Listebout un recensement de tous les points de livraison eau et électricité. Régie des eaux demande à tout abonné de faciliter aux agents de Listebout l'accès aux équipements de comptage eau et électricité et de leur fournir toutes les informations utiles. François Kima Nation, la mise en onde, merci pour votre fidélité, auditeur et auditrice de la radio Isanganiro. Bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce 10 mars 2020. Voici d'abord l'essentiel. 6 candidats sont désormais confirmés à la conquête du fauteuil présidentiel le 25 mai prochain, tandis que 4 sur les 10 dossiers déposés ont été rejetés. Vous entendrez les précisions de la Commission électorale nationale indépendante. La réaction des candidats non acceptés et ce que dit la loi sur les critères d'éligibilité au présidentiel. Ils viennent à compte-gouttes. Ce sont les personnes qui prennent part à la campagne de déclaration des impôts sur revenus et locatifs à l'OBR. Cet officier burundais des recettes appelle les concernés à respecter les délais fixés. Les habitants du quartier de la zone urbaine de Ngagara alertent sur les menaces et des odeurs désagréables provenant des eaux usées et craignent à cet effet pour leur santé. Vous l'entendrez, vous aurez également droit à la chronique santé. Aujourd'hui, c'est le tour de la fièvre jaune. Voilà pour l'essentiel. Rebonjour. L'ambassade burundaise en Chine appelle les étudiants burundais en Chine et se trouvant en dehors des campus universitaires à ne pas les regagner sans autorisation. Dans un communiqué sorti ce lundi, l'ambassadeur Martin Bazumutima, qui représente le Burundi en Chine, explique que ce sont des mesures prises par les institutions universitaires dans ce pays dans le cadre de prévention contre l'épidémie à coronavirus. L'ambassadeur burundais en Chine a rappelé que des étudiants ont été renvoyés définitivement des universités de ce pays pour avoir violé ces mesures. Pour ce, il dit ne pas souhaiter que les étudiants burundais connaissent le même sort. Il rassure cependant que de nouveaux cas dans ce pays sont réduits, y compris dans la ville de Wuhan où avait été signalé en premier lieu cette épidémie. L'Association nationale des parents d'élèves s'alarme des effectifs élevés des grossesses non désirées en milieu scolaire. Édouard Ndikumasabo, président de cette association, propose au comité institué au niveau des écoles un suivi de près de l'éducation des enfants dès leur bas âge en approchant leur famille pour agir en synergie suivie. Mais des parents désolés de voir des cas de soja, ça nous impressionne et ça nous fait extrêmement un grand problème au niveau de l'éducation. Nous pensons que les parents, notre mission est de suivre nos enfants et de les encadrer sérieusement, et spécialement les filles qu'on essaye de voir et de suivre nos enfants. Les suivre, c'est-à-dire parler, échanger avec les enfants. Parler avec les enfants, parce qu'en fait, en parlant avec eux, vous donnez les directives, vous donnez les suggestions. Vous dites ce qui est mauvais, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. On recevra à bras ouverts tous ceux qui veulent travailler pour la jeunesse. Eux, ils peuvent être beaucoup plus utiles, c'est-à-dire entrer dans la famille, entrer surtout chez les mamans, et lui parler de ses problèmes, et donner des conseils, donner des directives. Parce qu'en fait, maintenant, on dirait que les parents ont démissionné devant leurs responsabilités. Et vous savez ce que déjà le ministère a déjà fait? C'est quelque chose de très bon au niveau de l'initiative. Mais il reste encore donner les initiatives à suivre, parce que le problème, c'est le suivi. Et vous comprenez aussi que ça se fait même au niveau des écoles. Ce sont les enseignants qui enseignent les enfants. Ce sont vos enfants, donc il faut les respecter, il faut donner la ligne de conduite et qu'il faut pour qu'ils puissent faire leur vie plus tard correctement. C'est dans ce sens. C'est là que je pense qu'il faudrait qu'ils aient une éducation formée, une éducation beaucoup plus fine pour qu'ils puissent quand même se développer mentalement et physiquement. Politique à présent, 4 des 10 dossiers des candidats aux élections présidentielles du 20 mai ont été rejetés car ils ne remplissent pas les conditions exigées, annonce ce mardi du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Dans une conférence de presse, les dossiers rejetés sont ceux de Jacques Wigirimana, candidat du parti FNL, de Mission Daïdze et de la coalition Kira Burundi, celui d'Anissé Niyonkuru, candidat du parti CDP, ainsi que Valentin Kavakure, candidat du parti FPN, Nimboneza, Pierre Claver Kadzi, c'est président de la CENI, a en outre précisé que ceux dont les candidatures n'ont pas été acceptées peuvent saisir la Cour constitutionnelle en déant 48 heures. Les précisions de Moïse Misako. Lors de la présentation des résultats de l'analyse des dossiers des candidats aux élections présidentielles de mai prochain, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Pierre Claver Kadisse, dit que 4 dossiers ont été rejetés. Il y a le candidat Evariste Ndayishimiye du parti CNDD-FDD. Son dossier a été accepté. Le candidat Agathon Rwasa du parti CNL, le dossier est accepté. Le candidat Jacques Wigirimana du parti FNL, le dossier n'est pas accepté. Le candidat Gaston Sindimo du parti UPRONA, le dossier est accepté. Le candidat Francis Rohero, indépendant, le dossier est accepté. Le candidat Dieudonné Nahimana, indépendant, le dossier a été accepté. Le candidat Léonce Ngendakoumana du parti Sawanya Frodebou, le dossier a été accepté. Le candidat Anissé Niyonkuru du parti CDP, le dossier n'a pas été accepté. Le candidat Valentin Kavakure du parti FPN Mboneza, le dossier n'a pas été accepté. Le candidat Domitien Ndayizeye de la coalition Kira Burundi, le dossier n'a pas été accepté. Le président de la CENI souligne que les candidats dont les dossiers n'ont pas été retenus ne remplissent pas les conditions. Toutefois, ils peuvent saisir la Cour constitutionnelle en déant 48 heures, ajoutait-il. Les candidats dont les dossiers n'ont pas été acceptés et qui ne sont pas satisfaits de la décision de la CENI peuvent s'adresser à la Cour constitutionnelle. Pierre Claver Kadhisse rappelle aux candidats retenus que la période de la campagne électorale n'a pas encore commencé. La CENI tient également à rappeler, surtout aux candidats acceptés, que la période de la campagne électorale n'est pas encore venue. La période de la campagne électorale n'est pas encore venue. Elle est déjà connue, de par le calendrier électoral, que cette période de campagne sera ouverte par un décret présidentiel. Donc nous invitons les candidats à ne pas passer outre la loi, à ne pas s'adonner à une campagne prématurée, parce qu'au cas contraire, le candidat qui le ferait, ferait également face à la rigueur de cette même loi. 10 dossiers des candidats au présidentiel avaient été déposés. En réaction, Laurent Kavakure, candidat du parti FPN Imboneza, parmi les 4 candidatures rejetées, se dit étonné du rejet de son dossier. Dans un point de presse organisé ce mardi après l'annonce de la CENI, il déclare qu'il va saisir les instances habilitées. Nous avons accueilli cette mesure avec grande surprise, car c'était inattendu. Cela, on pense que ça peut être une stratégie pour nous décourager. Peut-être c'est un moyen de nous distraire pour que nous puissions pas continuer à participer dans cette campagne électorale. Mais nous sommes assez confiants, nous allons continuer. Quels sont les réseaux avancés par la CENI pour rejeter votre candidature? Sur le formulaire de notification de la décision sur notre candidature que nous venons de recevoir de la part de la CENI, il est mentionné comme commentaire, ils ont donné 4 commentaires. Le premier commentaire est comme quoi la déclaration de nationalité est non conforme, comme quoi le nombre de parrains est inférieur à 200, comme quoi le dossier de parrainage est incomplet, et dernièrement, que les signatures, qu'il figure des signatures suspectes sur certains documents. Donc voilà les 4 raisons qui nous ont été avancées par la CENI pour rejeter notre candidature. Nous espérons. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Nous allons saisir les instances habilitées en la matière. Je pense que c'est la Cour constitutionnelle pour que nous puissions être réhabilités dans nos droits et que nous puissions participer au même titre que les autres à ces élections. Entre-temps, le code électoral stipule que pour être candidat au poste présidentiel, il faut entre autres avoir la qualité d'électeur et jouir uniquement de la nationalité burundaise. Celui-ci doit souscrire à la constitution et à la charte de l'unité nationale. Charles Makoto pour plus de détails. Le candidat au fauteuil présidentiel doit avoir la qualité d'électeur, jouir uniquement de la nationalité burundaise d'origine, être âgé de 40 ans révolu au moment de l'élection, comme le précise l'article 94 du code électoral. Celui-ci doit également résider sur le territoire du Burundi au moment de la présentation des candidatures et jouir de tous ses droits civils et politiques. Le candidat est également appelé à souscrire à la Constitution et à la Charte de l'Unité nationale et exprimer son adhésion aux principes fondamentaux dont le respect, la sauvegarde et la consolidation de l'unité nationale, la protection et la promotion des droits fondamentaux de la personne humaine, la promotion d'un état de droit fondé sur le respect et la défense de la démocratie, ainsi que la défense de l'intégrité du territoire et de la souveraineté nationale. L'article 97 montre que chaque candidat aux élections présidentielles doit être parrainé par un groupe de 200 personnes formées en tenant compte des composantes ethniques et du genre. Ce groupe doit revêtir un caractère national et les membres du dit groupe de parrainage doivent et même réunir les conditions de fond requises pour l'éligibilité aux élections législatives. Charles Makoto, tant qu'on parle d'élections, cette partie politique et une coalition de partis dites Kira Burundi ont déposé des dossiers en province Mwaro pour participer aux élections des conseils communaux prochaines. Aux élections des conseils communaux prochaines, trois d'entre eux ont déposé des dossiers dans toutes les communes et sur toutes les collines de la province Mwaro. Le président de la CEPI dans cette province dit que cette commission attend les derniers dossiers jusqu'à 17h de ce mardi, date de clôture de la réception de ces dossiers. Laurent Dicoulio. Les sept partis politiques qui ont déjà déposé les dossiers pour participer aux élections des conseillers communaux en province Mwaro jusqu'au soir de ce lundi sont le CNDD-FDD, CNL, UPRONA, RPB, FORINA, APDR et FNEL. La coalition de partis politiques appelée Kira Burundi va aussi se faire élire. Trois partis politiques, à savoir le CNDD-FDD, CNL et UPRONA, ont déposé leurs dossiers dans toutes les six communes de cette province de Mwaro sur toutes les 131 collines que compte la province Mwaro. Le parti RPB a déposé des dossiers dans deux communes seulement, à savoir Kayokwe et Lusaka. Le parti Frolina a déposé deux dossiers sur deux collines, sur 24 collines de la commune Kayokwe seulement. Quant au parti APDR, il a déposé des dossiers dans quatre communes de cette province de Mwaro, à savoir la commune de Bissoro, Kisozi, Kayokwe et Lusaka. Le parti FNL, quant à lui, a déposé des dossiers dans toutes les six communes de la province de Mwaro, mais sur certaines collines. Dans la commune de Lusaka, c'est là où il a déposé plus de dossiers, c'est-à-dire 22 collines sur 29 que compte la commune Lusaka. En commune Kayokwe, le FNL a déposé les dossiers sur 5 collines sur 24 collines que compte la commune Kayokwe. Kassie Nyoweumusi, président de la CEPI en province Mwaro, dit qu'ils attendent 17h de ce mardi pour recevoir les derniers dossiers. Il précise qu'ils vont attendre les précisions de la CENI pour procéder à l'analyse des dossiers déposés de Mwaro. Laurent Dikuri, Radio Isanganiro. Merci. Laurent Dicoulou. Après une courte pause, on va passer en page société. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. 13h09 dans les yeux de la radio Isanganiro. Je rappelle que vous pouvez suivre cette édition via le www.isanganiro.org. Grogne des habitants du quartier 4 de la zone urbaine d'Ongagara suite aux mauvaises odeurs provenant des regards conduisant des eaux usées. Il y a de cela deux mois, ces habitants craignent les maladies des mains sales. Ils demandent aux concernés de trouver solution à ce problème. Les précisions, le reportage d'Adrien. Arrivé à cet endroit, se trouva en face du bar appelé Kukayaga, devant l'ancien bureau de la police de l'air et des frontières PAF, on est accueilli par des odeurs nauséabondes, des eaux usées, des toilettes provenant de deux fosses qui se jettent dans les caniveaux de ce quartier. Certaines personnes qui exercent leurs activités à côté de cette place disent que ces odeurs les perturbent dans les activités quotidiennes. Ça fait au moins deux mois, trois mois plus. Ce sont les eaux des toilettes qui passaient l'eau jusqu'au fond, là, il peut y aller. Ces habitants craignent d'être attaqués par les maladies domensales. Oui, ça en cause des maladies comme le choléra. Et les autres. La population de ce quartier demande aux concernés de trouver solution à ce problème. Demandons au gouvernement de nous aider parce que ça ne fait mal. Est-ce que les autorités locales sont au courant de cette situation? Oui, ils sont au courant, notamment le chef du quartier et le chef de zone aussi. Contacté à ce propos, le chef de zone Ngagala nous a dit qu'il ne peut pas nous accueillir sans rendez-vous. Merci Adrien Ndimurukundo. La campagne de déclaration des impôts locatifs à l'Office burundais des recettes ne connaît pas une forte participation, comme constaté par nos reporters l'avant-midi de ce mardi. Joseph Ndayizeye, le chef de département des impôts à l'Office burundais des recettes appelle plutôt la population à accélérer le rythme. Les précisions de Jean-Marie Mayong. Arrivé dans les places où se font les déclarations de paiement des impôts locatifs à Mairie de Bujumbura, le constat est que les contribuables viennent à compte-gouttes. Joseph Daizeye, chef de service et gestion de l'impôt sur les revenus locatifs à l'OBR, reste optimiste et que la semaine prochaine, le nombre des déclarants aura augmenté. Pratiquement, on commence à recevoir les déclarations à partir du 2 janvier. Alors, c'est un travail qu'on a commencé depuis le 2 janvier et ce travail se poursuit jusqu'au 30 mars. De cette année. Et évidemment, les contribuables viennent faire leurs déclarations et payent aussi l'impôt selon les déclarations des revenus qu'ils ont récoltés ou encaissés. Vu la faible participation des contribuables, il lance un appel à tous ces contribuables à pouvoir se présenter à temps afin d'éviter d'être taxés des amendes. Un appel que je peux lancer. Maintenant, on a fait des facilités de créer de nouveaux sites pour leur faciliter le déplacement. Donc, j'invite tous les contribuables à venir déclarer et payer l'impôt dans les délais prévus par la loi. Parce qu'au-delà du 30 mars, c'est-à-dire que tout contribuable qui viendra déclarer, c'est-à-dire sera déjà retardataire et il sera soumis par l'amende fixée par la loi. Cette activité se déroule en mairie de Bujumbura dans 5 places, à savoir Enengagara et Zone Kinama en commune de Nangwa, Secle Saint-Michel et ex-zone Rohero en commune de Mukaza et en fait au petit séminaire de Kanyosha en commune Muha et la date limite est fixée avant le 31 mars. Jean-Marie Mayonga, la fièvre jaune est une maladie infectieuse virale transmise par des moustiques infectés. Docteur Olivier Nijimbele, directeur du programme élargie de vaccination, indique que cette maladie a différents symptômes semblables aux autres maladies dont la fièvre et les maux de tête à un stade élevé. C'est le vomissement du sang noir. Après des études faites par l'OMS, Dr Nijimbele précise que le Burundi est parmi les pays à risque. Et bien voilà, la chronique santé est là avec Ornella Mocho. La fièvre jaune est une maladie infectieuse virale transmise à l'homme par la piqûre de certaines espèces de moustiques. Docteur Olivier Nijimbele, directeur du programme élargi de vaccination, précise que la maladie se manifeste sous forme d'épidémie. Le personnel de la santé peut différencier la fièvre jaune des autres maladies en tenant compte de l'histoire de la maladie. Ça peut être une personne qui a visité un pays où la maladie sévit, ou un pays qui connaît une épidémie de fièvre jaune, qui venait au Burundi pour des visites ou pour autre chose. La fièvre jaune peut attaquer les parties du corps comme les reins en cas de complications au moment où les premiers symptômes sont entre autres les maux de tête et la fièvre. Une personne qui est atteinte de la fièvre jaune présente des signes classiques de plusieurs autres maladies, notamment le paludisme. Donc c'est une personne qui peut se présenter avec une fièvre, avec des maux de tête, avec des nausées, des vomissements, mais qui peut se compliquer par l'apparition d'un ictère, c'est-à-dire que les yeux deviennent jaunes et parfois la maladie se complique avec des vomissements aussi, avec des hémorragies. Il n'existe aucun traitement spécifique contre la fièvre jaune à part soigner ses symptômes. Docteur Olivier Njimbele précise que le seul mode de prévention est la vaccination faite une fois dans la vie. Il fait savoir que le vaccin coûte 35 000 francs burundais. Ici, au niveau du programme de vaccination, il y a un vaccin disponible contre la fièvre jaune. C'est un vaccin qui est donné spécifiquement aux personnes qui veulent voyager. Mais nous demandons à tout un chacun de se faire vacciner et pour se protéger contre la fièvre jaune, comme c'est une maladie qui entraîne beaucoup de décès. Et le vaccin est donc disponible pour en avoir. Il suffit de payer 35 000 francs à l'Aubert, Office Burundais des Recettes, et le programme et se charge d'administrer le vaccin et de donner la carte qui est un certificat qui atteste que la personne a été vaccinée et protégée contre la fièvre jaune. Il est conseillé que le voyageur soit vacciné 10 jours avant son voyage. Docteur Olivier Njimbele, directeur du programme élargi de vaccination, indique que le gouvernement envisage d'introduire ce vaccin dans le calendrier de vaccins de routine. Merci Ornella Mouche. Ben voilà, 13h15, c'est par ici qu'on va prendre fin à cette édition de la mi-journée, mais avant de nous séparer, je vous rappelle que 6 candidats sont désormais confirmés pour conquérir le fauteuil présidentiel le 25 mai prochain, tandis que 4 sur les 10 dossiers déposés ont été rejetés. Vous avez entendu les précisions de la Commission électorale nationale indépendante et la réaction des candidats non acceptés, ce que dit la loi sur les critères d'éligibilité au présidentiel. Point final à cette édition. À vous tous qui l'avez suivi, je me remercie. Je remercie également François Akiman, qui l'a mise en onde. Eline Ben-Nivigila, j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.